Canicule. Éloignez les enfants. Y'en a pas ? Canicule, retraité, on t'encule en plein été. Plutôt pour la douche, et les vieux tombent comme des mouches. Mais Médor ronge ta laisse, abandonné à la sécheresse. J'ai soif d'amour, oui j'ai soif. Au secours, j'ai soif. Oh oui, j'ai soif. Canicule, retraité, on t'encule en plein été. Un peu d'air, un peu d'eau pour tous ces vieux collabos qui étouffent dans leur graisse. Seul face à la sécheresse. J'ai soif d'amour, oui j'ai soif. Au secours, j'ai soif. Oh oui, j'ai soif. Canicule, retraité, on t'encule en plein été. Ventilo en rupture de stock, faut se rabattre sur la coque. Seule contre-indication, pépère, ça va faire sauter ton pèse-pécaire. J'ai soif d'amour, oui j'ai soif. Au secours, j'ai soif. Oh oui, j'ai soif. Canicule, retraité, on t'encule en plein été. Oublié par leurs enfants et les voisins qui trouvent que ça sent. Dévoré par leurs chats qui eux ne les oublient pas. J'ai soif d'amour, oui j'ai soif. Au secours, j'ai soif. Oh oui, j'ai soif. J'ai soif d'amour, oui j'ai soif. Au secours, j'ai soif. Oh oui, j'ai soif. See!